Je m'appelle Leïla. Je suis née en Russie, de mère russe et d'un père soudanais. Alors déjà, je suis comme un produit interculturel, interpolitique aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'événements en Afrique qui se passaient. La décolonisation, qui a juste changé de forme, mais beaucoup de révolutions, des guerres d'indépendance. Et mon père était vraiment impressionné par le paradigme communiste, interaide, tout ça, la solidarité des peuples. Peut-être à la fin, il était assez déçu, mais quand il était jeune, il est allé en Russie pour étudier la géologie. Et puis c'est ça, moi je suis née quand ils étaient tous les deux des étudiants. Et j'ai grandi au Soudan. Il y a des expériences qui m'ont marquée. Mes grands-parents russes vivaient à l'époque dans un petit village de 15 maisons au sud de Moscou, mais vraiment entouré par... À l'époque, il y avait la forêt encore. Maintenant, ce n'est plus. Des rivières, la forêt. En hiver, c'était couvert de neige. On ne pouvait pas sortir ou accéder. Et mon grand-père, moi, je n'ai jamais entendu le mot anarchiste. Mais après, c'est juste quand je suis grandie, j'ai compris qu'il était. Parce qu'il critiquait toujours les bolcheviks, les mincheviks, bah, tous les gouvernements. C'est le temps qu'on a passé dans la forêt et l'amour qu'il avait pour la forêt, pour liberté, pour le sauvage. J'étais très petite, mais ça m'a marqué beaucoup parce que je me souviens toujours... Il avait perdu son œil pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands sont venus, en fait, ils sont restés juste de l'autre côté de la forêt. Et il était avec les partisans, il était blessé. Et je me souviens toujours de l'œil et je posais des questions. Pourquoi, comment les gens peuvent faire ça et m'expliquer bon, qu'est-ce que c'est la guerre, qu'est-ce que c'est l'indépendance, la révolution et tout ça. Et peut-être cette méfiance des révolutionnaires et des politiciens qui aspiraient à gérer des choses que j'ai peut-être hérité de lui. Alors après, au Soudan aussi, le thème a continué parce que bon, mon père venant d'un pays colonisé, alors ce désir de rebeller, de se libérer des forces, des systèmes socio-économiques, politiques oppressifs, ça a toujours resté. Lui aussi, mon père, il se méfiait de tous les politiciens. C'est toujours, il disait, bah, les politiciens, le pouvoir, ça te représente jamais, ça te donne rien. Et aussi, j'ai jamais entendu le mot anarchiste, sauf que quand bah, les Makhno, bah, tu dis l'histoire soviétique ou russe, tu entends des choses pareilles, mais j'ai pas fait le lien. Mais le concept en restait. Et l'autre chose, c'est que mon père étant géologue, on a vécu une année, 8 mois, dans un camp géologique au Darfour. Quand j'étais petite, c'était la savane. Il y avait des tribus différentes, des animaux d'Afrique, des girafes, des lions, des singes, qui passaient par exemple dans notre camp. Et on était dans les tentes. Ma mère était la seule femme, la seule européenne. Les Nations Unies, je ne me souviens plus, mais périodiquement, un petit avion délivrait de nourriture, des trucs pour le camp des géologues. C'était juste des géologues soudanais. Et ma mère et moi et ma sœur, on était la seule famille, le seul souvenir de la vie ailleurs pour les géologues. Alors, on était vraiment... On était gâtés, il y avait pas de structure, pas d'école. Il y avait la vie sauvage. Et la vie sauvage qui était vraiment harmonieuse, pour moi, c'était comme une très belle danse cosmique, des étoiles, des gens. Peut-être, oui, j'étais petite, naïve, je ne savais pas qu'il y avait des guerres autour. Tout ce que mon père et ses collègues ont découvert après. Ils ont découvert, par exemple, l'uranium. Alors après, avec Chevron, les avions militaires qui sortaient l'uranium, ils ont comme recouvert. Parce qu'avant, l'uranium, c'est très coût de radiation. Même quand c'était fermé, c'était sous la terre. Mais c'était pas une mine, c'est ouvert. Mais quand ils sont ouverts après, le climat, tout est changé. Moi, quand je suis revenue, par exemple, en 20 ans, j'ai travaillé comme journaliste de guerre et avec des réfugiés. Et je suis revenue à cet endroit et en deux décennies, c'était complètement foutu parce que les gens mouraient quand ils ont ouvert la mine. La radiation est partout, alors tout est mort. Et le désert n'était pas loin déjà quand j'étais petite, c'est comme quelques kilomètres nord-ouest. Il y avait comme le désert Sahara. Quelques kilomètres au sud, c'était la forêt, la jungle. Et nous, on était dans la savane. Mon père, il cherchait les diamants. Le projet des Nations Unies, il cherchait le pétrole. Et puis, ils ont découvert encore mieux. Après, ils ont découvert le pétrole. Alors, c'est une autre histoire, un peu plus au sud. Et déjà ça, si on le voit et on le vit, on n'a pas besoin de textes, de théories, de sciences. C'est tellement visible. Mais c'est juste, il faut apprendre à comprendre ce que tu vois. La question de domestication et éducation, justement, c'est que à l'école, les textes nous apprennent à ne pas croire à ce qu'on voit, à ce qu'on vit, à croire à la représentation et les paradigmes, des schémas qui nous disent comment on doit réagir à ce qu'on pense qu'on voit, mais on devient aveugle. Alors, si vous arrivez à des positions anti-civilisationnelles, c'est pas dû à un cheminement politique X ou parce que votre père ou votre grand-père se réclamait de l'anarchie, c'est vraiment de ce que vous avez pu vivre avec eux là, au courant de la vie? Oui, un peu ça, mais c'est sûr que d'avoir des concepts, déjà, peut-être ça m'a aidé à discerner les choses, à articuler, même si une autre chose, c'est que moi, je ne parlais pas. Ma mère s'inquiétait beaucoup quand j'étais petite. Mon premier mot, j'avais plus que 3 ans et demi. Je ne parlais pas du tout. Ils pensaient que, je ne sais pas, j'étais... Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, j'ai commencé à parler presque j'avais 4 ans. Mais mes principes, par exemple, de ne pas manger la viande, de tuer les animaux, étaient déjà formés avant le langage. Et alors, ce concept, c'est quelque chose... Moi, je n'aime pas vraiment la théorie de Richard Dawkins, mais son concept de même, ça nous aide à comprendre peut-être comment des unités de concepts de notre narratif, des unités qui peuvent s'installer. J'arrive pas à comprendre ce mot-là. Okay. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. On entre dans la théorie, mais peut-être ça va aider aux gens aussi à comprendre. Il y a par exemple plusieurs gens dans le monde qui ont essayé de comprendre le mécanisme, comment l'information culturelle, ça veut dire aussi socio-économique, politique, comment elles se reproduisent, comment on l'apprend, comment on la vit. Ok, il y avait par exemple un sociologue français, Pierre Bourdieu, anthropologue sociologue. Moi, j'aime beaucoup son explication. Ça nous aide à comprendre par exemple comment les structures du narratif s'inscrit dans notre corps. Ça veut dire que les concepts et l'information des attitudes, dispositions surtout, nos dispositions sont formées et ils nous viennent déjà depuis des générations en génération, sont transmises par habitus, body hexes et la pratique. La pratique d'économie culturelle, ça veut dire que, par exemple, les enfants apprennent à ne pas réinventer des choses. On a déjà des attitudes, des dispositions qui nous sont transmises par notre entourage culturel. C'est comme dans notre corps, par exemple, deux exemples stéréotypiques, mais ça nous aide un peu. Par exemple, la réaction à la douleur des enfants japonais et des enfants italiens. Okay? Dans les dispositions de la construction culturelle, mais aussi ce habitus des mères italiennes. Par exemple, si un enfant se coince le doigt dans la porte, la mère italienne, surtout si c'est un garçon, elle va en faire tout. Oh, poverino, oh, mon mieux fille, oh, c'est comme ça devient une tragédie. Et l'enfant, ça s'inscrit, cette disposition à la douleur, au désir d'explorer, ça va être formé par cette disposition, ça va être économique quand il est grand. Il ne va pas penser chaque fois à si je vais expérimenter avec la porte. Quand il est grand, il va savoir qu'il ne faut pas parce que c'est très dangereux. On peut même en mourir parce que la réaction était comme ça. Par exemple, stéréotypique, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait pareil, mais quand même, il y a comme une continuité de narrative. Au Japon, c'est le contraire. Il ne faut pas montrer, il faut subir, il faut être, se tenir. Alors, l'enfant va grandir et il va apprécier la douleur en tant que ça donne dans cette structure et son narratif culturel et disposition. Et puis, il y a aussi, par exemple, l'idéologie pour Bourdieu. Le truc est très complexe parce qu'il y a, par exemple, aussi les idéologies qu'on ne sait pas qu'on sait, qui se reproduisent aussi pour économiser chaque fois. On ne va pas réinventer. Ça, c'est ce que la culture nous dit. On a déjà des formules pour comprendre les choses. Tu ne vas pas essayer à comprendre de nouveau, voir si tes grands-parents, si tes parents, si tes aïeuls avaient tort ou raison. La plupart des gens acceptent ces formules et ils réagissent, ça continue. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Par exemple, qu'est-ce qu'on mange, la façon, tout ce qui concerne la culture. Qu'est-ce que c'est la propriété, par exemple, l'hygiène personnelle. Ça va aussi, c'est un narratif historique qu'un groupe a formé. Parce que, par exemple, les concepts d'hygiène, ils sont aussi liés aux tabous religieux, par exemple. Comme Mary Douglas a dit, ça nous distingue. Nous, on mange bien, il faut manger ça et ça et ça, et ça devient... On ne pense pas à ce qu'on mange. La plupart des gens, je ne dis pas tout le monde prend ça comme donné, mais il faut comprendre que le mainstream toujours reste dans le narratif culturel qui continue. Et je ne sais pas pourquoi ou comment expliquer ça, les gens ont essayé différemment, mais il y a comme une continuité. Alors, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce que c'est l'hygiène, comment on se marie, même comment les enfants sont nés, comment on les élève. Tout le spectrum de notre quotidien est déjà formé par ce narratif. On a déjà des formules et on peut les apprendre et continuer ou on peut questionner. Pour Dawkins, Richard Dawkins, c'est un biologue anglais. Lui, il n'explique pas ça comme Bourdieu. Moi, je pense que les deux, en fait, complémentent entre les deux explications. Lui, il dit non, l'information se transmet par des unités des mêmes. Parce qu'il y a les gènes, c'est le code génétique, l'information physiologique qui nous passe de nos aïeuls. Et lui, il dit ok, mais ce n'est pas juste parce que les gènes, souvent, sont formés, ils changent par rapport à la culture. Ça veut dire qu'il y a une autre unité d'information qui, en fait, peut influencer notre physiologie. Ce n'est pas le gène qui nous mène, c'est le même. J'avais déjà entendu que les enfants de parents qui avaient été dans les camps de concentration ne réagissaient pas de la même façon au stress parce que leurs parents... Tout le traumatisme qu'ils avaient vécu avait même influencé jusque-là leur physiologie. Ouais, absolument. C'est un très bon exemple. Et c'est ça, la trauma de la Deuxième Guerre mondiale nous poursuit. Ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient traumatisés par la Première. Ceux qui étaient traumatisés par la Première étaient traumatisés avant. Et c'est ça, la question de la civilisation. C'est que la civilisation... est ontologiquement fondée dans la violence. Le premier concept civilisatrice, c'est la violence. Et ça, on commence à le voir si on refuse d'obéir ces formules. Encore, peut-être pour moi, c'était plus facile parce que déjà, j'étais dans un contexte où mes parents ne me forçaient pas d'être civilisée, éduquée. Par exemple, quand on est allé dans la savane, tous les gens disaient « Ah, mais les enfants vont rater une année d'école scolaire. » Ma mère a dit « Non, mais ils vont apprendre plus. » La même chose après, on est parti en Suède. Ma mère nous a dit « Ok, vous n'êtes pas obligés d'aller à l'école. » Moi, j'étais curieuse, alors chaque fois, je courais pour voir qu'est-ce que mes amis faisaient dans les écoles suédoises, par intérêt. Mais c'est différent parce que je n'étais pas obligée d'aller, d'être domestiquée et tout ça. Alors, c'est plus facile. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a des gens qui ont vécu tout, l'école, une famille très rigide, civilisée et tout ça, et quand même, ils peuvent voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que ça ne donne pas de sens. Par quoi qu'on peut résumer la domestication? C'est vraiment comme une violence qu'on s'inflige, pas juste parce que parfois la domestication, on le voit comme on a domestiqué des animaux pour pouvoir se nourrir, puis on pense que c'est quelque chose qui est extérieur à nous, puis qu'on exerce une violence sur les autres, mais ça s'exerce aussi sur nous-mêmes. Absolument, et c'est la même chose, on est des animaux, et la première violence, par exemple, John Zerzan, lui, il dit la première violence, c'est peut-être cette aliénation qui était causée, née de la naissance de la pensée abstraite. Et c'était facilité par le langage. Alors, avec le langage, la langue, comme grammaire de la pensée abstraite, l'être humain, le Homo sapiens moderne, a pu développer des outils de substitution, de symbolisation. Ça veut dire que tu peux vivre avec le symbole en ignorant que le symbole replace le réel. Alors, tu n'as plus besoin du réel. Exemple concret. Ok, exemple concret. Dès qu'on a inventé, par exemple, le mot arbre, si avant le langage, on faisait partie de la communauté de vie avec des autres espèces. Notre vie dépendait de la variété et du succès de la vie en sa variété. Ça veut dire que ce n'était pas le monoculturalisme. Il fallait, pour que moi je survive, il ne faut pas qu'il y ait tout le monde comme moi. Il faut qu'il y ait de variété des espèces et même dans notre espèce. Après, on invente la pensée abstraite, les symboles, la sémiologie. Ok, je dis, il y a un mot arbre qui va représenter, it stands for. C'est pas, si je dis un arbre maintenant, il n'y a pas d'arbre ici. Si on n'a pas de langage pour te montrer l'arbre, il faut qu'il y ait ici. Maintenant, j'ai un mot, on peut parler d'un arbre qui est là. Moi, je le vois. Mais après, lui, il va venir couper l'arbre, mais on a le mot, je peux le dessiner. En créant des mots, on les fait exister en dehors de leur existence propre. Exact, on n'a plus besoin, on peut substituer de façon où, au bout d'un moment, on ne remarque pas l'absence du réel. Ce qui se passe, par exemple, on a les ordinateurs, on peut avoir l'écran. Tu peux avoir des arbres, des dauphins, je sais pas. Par exemple, tu aimes des espèces qui ont disparu. Tu peux avoir une belle peinture, même une photo du dernier survivant de cette espèce. Et tu l'as. Et ce qui se passe dehors, tu le vois plus parce que tu as la représentation. Pour Zerzan, c'était ça, notre première aliénation. Et je suis d'accord avec lui que ça, pas tout à fait, mais dans le fait que... Où tu places le moment d'aliénation par rapport à Zerzan, là? le moment du langage, bien sûr, ça nous a donné... Le langage est un outil qui nous a permis de structurer l'aliénation, incorporer l'aliénation. Mais pour moi, le moment, vraiment, presque un moment ontologique, ça veut dire que le moment où on a décidé de se voir comme maître du monde et surtout comme consommateur des vies des autres. Ça veut dire que le moment où on a changé notre diète. Au départ, tous les primates sont frugivores. Et c'est dans tous les récits ontologiques, par exemple, comme la théologie, dans la Bible, l'Ancien Testament, les religions asiatiques qui étaient avant, mais même le moment où la civilisation en Asie, au Proche-Orient, en Inde, en Chine, a commencé à se développer, les récits de notre ontologie, ça veut dire la raison qu'on comprenne pourquoi on est là, comment on est devenu être humain et pourquoi et comment on est mis sur Terre. Et ces raisons développent les récits sauvages. L'Ancien Testament, les primates nous montrent que notre place est d'être frugivore. Et frugivore, ça veut dire que d'aider à reproduire la vie des plantes. Parce que quand on est frugivore, on ne coupe pas l'arbre pour la manger. On mange le fruit et bah, après avec le caca, bah, on aide à disperser les semences partout. C'est ça, les baies, les fruits. Et il y avait, bien sûr, avant notre âge de Holocène extinction. La première extinction? Non, notre extinction maintenant. C'est l'extinction qui est menée par la civilisation. Avant, bien sûr, il y avait quelques catastrophes mondiales. On ne sait pas, par exemple, pourquoi les dinosaures sont morts. Il y avait comme la grande déluge, tout ça. Mais c'était des catastrophes naturelles, climatiques ou météoriques, cosmiques. Et peut-être, on ne sait pas, mais il y avait un moment où un groupe de primates, peut-être il n'y avait pas assez de fruits, il n'y avait pas assez de nourriture pour laquelle on est fait, dans laquelle on jouait un rôle très important, viable. On commençait à manger peut-être comme, même pas prédateurs, mais comme par exemple hyènes, hyènes. Un peu comme des charognards. Des charognards, c'est ça. Ramasser des carcasses. Mais ce n'était pas le moment. Si on est obligé de le faire, on a fait ça. Et après, normalement, même les primates, maintenant, dans le cas de catastrophe, les chimpanzés, il y en a quelques groupes primates, parfois, maximum 10% de leur nourriture, ils peuvent manger de chair. Mais ils ne prennent jamais la décision de se construire comme prédateurs. Alors pour moi, c'est ce moment où on a décidé de changer notre place dans cette communauté viable pour devenir porteur de mort. On a décidé de devenir chasseur, ça veut dire de tuer. Là, pour moi, c'est le plus grand moment d'aliénation parce qu'on sort de notre récit viable dans un narratif biodiverse ou anarchiste. Bah, avant, il n'y avait pas l'ordre, alors il n'y avait pas d'anarchiste. Bah, le monde était anarchiste. Mais là, on a décidé de sortir où il y avait tout le monde était un héros et tout le monde avait une place très importante dans ce récit. On est sorti et on a réinventé un récit pour devenir le héros, le maître. Mais comment est-ce qu'on aurait pu expliquer ça? C'est on passait d'un mode de vie plus nomade à un mode de vie sédentaire. Mais c'est ça, on a décidé de devenir chasseur. Dans les recherches anthropologiques, paléontologiques, on pense que c'est à peu près 300 000 ans qu'on a inventé la langue. Pour moi, la langue, ce n'est pas juste le symbole. C'est important, le symbole, et ça, c'est la théorie de Zerza. Le symbole qui représente, je donne toujours l'exemple, si je te parle d'un arbre de guave ou grapefruit, je ne sais pas. Si j'ai un mot et je le dis et tu sais que c'est un arbre, on n'a plus besoin de l'arbre réel. Si on le représente comme les caves, on représente les animaux qu'on veut chasser, ça veut dire que la représentation peut tuer déjà, ça substitue, on n'a plus besoin du réel parce qu'on a cette représentation. Maintenant, on a un ordinateur, on peut mettre tous les arbres qu'on veut et avoir le monde comme il est maintenant. Oui, désertifié. Avec des forêts complètement coupées à blanc. Exactement, mais tu as ton ordinateur, tu as un arbre, tu es content. Tu penses, ah voilà, le monde est plein d'arbres sur les ordinateurs. Oui? On ne peut pas nier le développement qu'il y a eu et la destruction fait jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est ça, bien sûr que ce n'était pas tout de suite, mais le mécanisme d'avoir la langue comme grammaire, comme un code de loi, parce que le langage, ce n'est pas juste les symboles, mais c'est aussi un code des lois, comment on raconte, le syntaxe, par exemple, comment les verbes, ce n'est pas juste que ça facilite la communication, mais il y a aussi une structuration d'une pensée d'une façon très rigide, très spécifique, qui ne te donne pas la liberté de sortir hors de son langage. Et c'est ça le problème que Zerzan a identifié, parce que la langue t'entrape dans cette mort, dans cette aliénation, représentation. Tu n'as plus besoin de vraiment toucher quelqu'un pour comprendre comment il sent. L'empathie, la présence physique et réelle, on n'a plus besoin de ça. On a la grammaire qui peut dire. Et pour moi, c'est un outil qui nous permet après pour structurer notre aliénation comme prédateur. Et maintenant, c'est le plus qu'on raconte cette histoire, ce récit, scientifiquement. Les religions indiennes étaient plus anciennes, alors, mais déjà, dès qu'ils ont commencé la civilisation, tu vois que l'animisme développe dans des relations hiérarchiques de castes. Par exemple, il y a des dieux, il y a les femmes, les femmes sont là pour la reproduction. Ça devient, avec la civilisation, on a le grammaire pour les rôles de chacun, de ressources. Déjà, on nomme des ressources parce que si avant on jouait un rôle égal avec tout le monde, il n'y avait pas de ressources. Nous, on était un groupe de primates, les primates étaient là pour eux, les arbres étaient là, la raison ontologique des arbres là pour être un arbre, pour tenir, maintenir cette communauté de vie, mais pas pour toi, c'est pas une ressource pour toi. Mais dès qu'on est devenu prédateur, ça veut dire qu'on a commencé à avoir le langage pour nommer des choses et régler des choses, c'est-à-dire qu'on a maintenant la conception de ressources. Il y a les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources animales. L'esclavage vient avec ça, l'idée de l'esclavage et le besoin de domestication sexuelle, de reproduction, parce que comment tu vas faire des ressources si ce sont des ressources à toi? La conception de viol vient avec, c'est complètement inextricable de la conception de civilisation. Parce que si tu as des ressources, tu vas avoir plus de ressources. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que les femelles reproduisent des ressources, même s'ils ne veulent pas. Même si, par exemple, une femme, normalement, dans la vie sauvage, une femme humaine, maximum doit avoir 3 enfants. Non, maintenant, on peut aller jusqu'à 24. Parce que ta ressource, le mariage devient très important parce qu'il y a l'aspect économique, héritage. Si tu es pauvre, tu vas reproduire des ressources. C'est ça tes ressources, les enfants. Si tu es riche, tu vas reproduire moins parce que tu as beaucoup d'autres ressources qu'il faut partager entre tes enfants. Alors, mais tous les riches et les pauvres, ils sont là, liés dans ces relations domestiquées où il y a le viol, la reproduction et le grammaire qui nous structure comme être maître et esclave en même temps. Zerzan, lui, le place le moment d'aliénation où est-ce que le langage est posé par l'humanité? Moi, je vais avant. Là, on a commencé à être chasseur. Et ça pose beaucoup de problèmes, par exemple, même aux anarcho-primitivistes. Il y a, par exemple, les végétaliens, mais il y a aussi ceux qui disent, OK, il faut revenir à nos racines chasseurs. Moi, je dis, mais non, ce ne sont pas nos racines. Ce sont des racines de l'être humain moderne, carnivore, tueur, destructeur. Okay? Si tu veux revenir à tes propres racines, retrouver ta place d'harmonie et de vie, il faut redevenir le porteur de vie. Ça veut dire frugivore. Nomade, frugivore. C'est ça. Alors, pour moi, je vais un peu plus loin. Mais comment qu'on peut passer du mode civilisationnel dans lequel on est pour revenir vers un chemin qui ressemble à la position qu'on devrait occuper dans la pyramide de la vie ici? C'est quelque chose qui doit se faire de génération en génération sur une période de temps. Là. Oui, c'est très différent parce que maintenant, par exemple, je vois le problème où il y a en Amérique du Nord la plus grande explosion de population est parce qu'on a besoin de ressources qui immigrent. Mm-hmm. Okay? Et je sais que les partis qui sont contre les immigrants, ils vont saisir cette opportunité de développer l'idée complètement opposée à là où moi je vais. Ça veut dire que, par exemple, maintenant, en Afrique, je sais, au Soudan, ou tous les pays où il y a maintenant le pétrole et le développement technologique, il y a une très grande explosion de population. En Inde, en Chine, bien sûr, il y a une très grande explosion. Et ils savent, le Chine, ça fait déjà des décennies qu'ils veulent contrôler. Il y avait la loi où on avait le droit d'avoir un seul enfant. Maintenant, c'est pas très strict, ils savent pas quoi faire, mais ils reconnaissent au moins qu'il y a un problème. Et ce sont les pays où il y a la plus grande différence entre les pauvres et les riches, parce que c'est ça le problème, c'est que toujours la plus grande reproduction est chez les pauvres. Ils consomment le moins, mais ils reproduisent des ressources pour être consommées, leurs enfants. Si tu es un paysan, si tu as 24 enfants, c'est sûr que quelqu'un d'autre va obtenir encore plus de terre, de terrain, quelqu'un va t'aider. Tu vas les exploiter toi-même. Commence à regarder tes propres enfants comme ressources. Et ça, c'est complètement lié à la façon dont on choisit à éduquer les enfants. Parce que si tu as mis un enfant dans cette terre pour sa propre raison, pour sa propre vie, pour sa propre place dans une communauté très compliquée, complexe, diverse et viable, tu vas laisser libre cet enfant de voir où est sa place. Si tu as mis cet enfant parce que tu n'as pas d'autre moyen de survivre et ça va être ta ressource, tu vas être le dictateur de la vie, de la raison d'être pour cet enfant. Tu vas l'exploiter aussi. Et c'est ça le problème. Comment il faut reconnaître que l'explosion de la population est liée à l'exploitation des riches. Je dis, ok, les pauvres, il faut qu'ils arrêtent à reproduire. Ils ne vont pas arrêter à reproduire. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. Les gens, par exemple, au Soudan, ils ont trouvé le pétrole. Maintenant, on va faire le rêve américain. Et les pauvres reproduisent, et tu ne peux pas aller leur dire « Ah non, non, non, il ne faut pas le faire. » On attendait notre tour, et voilà, c'est notre moment maintenant de gloire, et on va en participer. C'est ça le problème, et c'est en réponse aux pays dominants qui les exploitaient. Ça fait qu'il y avait le colonialisme britannique, le colonialisme maintenant américain, partout, mondial. Alors, c'est complètement lié au problème du premier monde. Et on ne peut pas le résoudre sans résoudre ce problème de conception, de voir le monde comme ressource. Les enfants apprennent dès qu'ils sont nés que le monde est là comme ressource. Que nous sommes des ressources, ressources humaines, un département. Dans chaque compagnie, il y a un département de ressources humaines. C'est ça, c'est naturel pour ces gens. Donc, il y avait une femme qui vient de terminer McGill il y a un an, et puis elle me dit, I'm now available on the market. Ok, je dis pour combien? c'est un problème très grave. Alors, je sais, par exemple, Zelzen était mal interprété souvent parce que lui aussi, il reconnaît le problème de ressources. On lui dit, c'est un génocide. il y a l'explosion de population, c'est chez les gens bah, comme moi, brun, tout le monde. Et puis, il ne veut pas qu'ils survivent et ils attendent le collapse. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le collapse. Si on attend, on n'attend pas, il va arriver. Ils ne demandent pas la permission parce que nous, on a fait tout pour avoir ce collapse. Le collapse chez des gens comme moi, en Afrique, en Asie, et chez les animaux, il y a toutes les espèces qui disparaissent. Le collapse est déjà arrivé, passé, ils ne sont plus là parmi nous. Ça veut dire que le problème est urgent et il faut le reconnaître et il faut réagir très vite. Mais en même temps, bien sûr, pas dire que ah, puisqu'il y a trop de monde, bah, il faut les réduire. Bien sûr, on ne va pas les tuer. Mais il y a un moyen où on arrête de penser, de construire nos vies, nos éducations, nos systèmes éducatifs autour de ressources et de grossesses économiques, on va arrêter de se reproduire follement. Et si en une génération, les gens arrêtent et, par exemple, chacun dit, comme en Chine, on reproduit, on va avoir un enfant, il y a ceux qui veulent pas, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui vont avoir un ou deux plus, ça va se compenser. Bien sûr, c'est ma vision utopique. Il y a entre-aide, celle qui a décidé d'avoir trois enfants et celle qui a décidé de ne pas avoir, ils vont s'entraider. Si les enfants ne sont pas tes ressources, tu vas les partager avec ceux qui ne veulent pas avoir. Parce que par exemple, en Russie, au Soudan, il y a une grande pression sur les femmes d'avoir « Ah, elle n'a pas eu ses enfants, bisdietne », on dit en russe. C'est comme vraiment sans enfants. C'est comme même un mot, adjectif, sans enfant. Et c'est comme, ah, moi j'ai élevé les miens. Et celle-là, elle va pourrir seule quand elle va être vieille. OK? La pression est imposée par tout le monde. Par tout le monde. Et c'est ostracisation des gens qui participent dans notre culture, dans notre société. Ils nous donnent, OK, pas un enfant, mais elle nous donne quelque chose d'autre. Mm-hmm. Art, pensée, je ne sais pas. Juste le fait qu'elle n'a pas eu des enfants, c'est déjà, ça nous donne de l'espace d'avoir les nôtres. OK, déjà ça, il faut la remercier. Mais les gens, ils pensent pas comme ça parce que les enfants, c'est tes ressources. C'est étiqueté. Mais ils disent ça, j'ai investi dans mes enfants. J'ai bien investi. J'ai tout investi en toi et maintenant tu ne veux pas étudier. Okay? Mm-hmm. Ils disent ça, c'est ça là. Et c'est la pensée civilisatrice, domestiquée, de viol, d'aliénation, de consommation et du collapse finalement. Alors si on veut tendre vers autre chose, contre un peu la domestication, puis justement l'aliénation de la position qu'on occupe par rapport à la vie comme prédateur, mais qu'on veut que ça soit aussi viable, il y a la permaculture. C'est ça? Oui, pour l'instant, par exemple, bien sûr, il y a combien, 7 milliards presque de gens. Bien sûr, on ne peut pas tout le monde aller cueillir dans les forêts, il y a plus de forêts. Maintenant, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas revenir il y a 500 000 ans ou un million d'années. On ne peut pas le faire. Et je ne veux pas dire, c'est toujours une expérience d'aller chercher quelques nouveaux chemins. Et oui, peut-être tous les moyens de permaculture. Il y a maintenant, par exemple, beaucoup de gens qui ramassent. Par exemple, moi, je ne pourrais pas ramasser roadkill. Je ne peux pas manger la chair, je ne peux pas. Okay? Mais il y a ceux qui le peuvent. Bien sûr, roadkill, ça existe à cause de nous. Mais je sais que moi-même, si je participe dans cette civilisation, je suis aussi responsable de chaque animal qui est mort dans la rue. Mais au moins, OK, tu peux commencer à reculer et réapprendre ta place où tu ne veux pas tuer, tu ne veux pas continuer à participer dans cette pensée domestiquée, domesticatrice, des ressources, de croire à ta place dans la grossesse économique. Maintenant, on a comme une crise économique, ça veut dire que si on parle de crise économique, ça veut dire qu'on croit que l'économie doit grossir. Mais ça, c'est aussi lié à notre aliénation. Parce que ce qui doit grossir, c'est la communauté de vie, la diversité. Mais ce qu'on a maintenant, c'est le contraire. C'est le monoculturalisme, les espèces disparaissent. Et ce qui reste, c'est nous et les victimes, nos vaches, les poulets, les animaux qu'on viole et tue, on viole et tue. Et il faut arrêter. Permaculture, ramasser, il y a beaucoup maintenant. À Portland, par exemple, ils ont fait un film récemment sur une femme qui ramasse dans la vie. Elle arrive à vivre juste en ramassant des... C'est de la récupération de nourriture laissée par des marchands. Pas juste ça, mais ici, l'été n'est pas très long, mais quand même, on fait un petit jardin pour les animaux. Au lieu de mettre des fleurs, tu mets par exemple des baies, framboises. Tu deviens porteur de nourriture aussi pour les animaux. Tu as une place dans cette communauté. Dès que tu commences à penser à ta communauté autrement que les skunks, par exemple, les moufettes ou les raccoons, des ratons laveurs, c'est ça, que ce ne sont pas les rats, les insectes, ils ne sont pas la compétition, les pestes qu'il faut se défaire d'eux, mais c'est aussi, ils ont leur place, c'est ta communauté, aussi que tes voisins, avec toute leur diversité d'idées, d'âge, de couleur de peau, de pensée, d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Tout ça, ça fait ta communauté. Et la plus diverse qu'elle est, c'est le mieux pour toi. Parce que tu auras des rapports différents, pas ressources, mais recourse. Si tu as un problème, par exemple, tu as des solutions très diverses. Si tu as une communauté diverse. Et même juste pour eux. C'est bien d'avoir la vie et le bonheur autour de toi. Okay? Et si tu commences à penser comme ça, tu vas réorganiser la planification de ton quartier où là tu habites. Tu vas avoir un agent participant dans l'organisation de ce quartier. Tu vas changer d'autres esprits.